tout d'abord, bienvenue à la Team Apache. Ici, les cours commencent à 18h30. On fait MMA, boxe thaï, musculation. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, justement, et dans ma vision de la boxe, c'est justement comment je peux amener mon expérience en boxe anglaise sur la boxe pied point. Aujourd'hui, ça fait 33 ans que je boxe. J'ai commencé, j'avais 17 ans. J'avais besoin de me dépenser, j'étais bien turbulent avant. Voilà, gentil garçon, mais turbulent. Des fois, quand on est énervé ou quand on peut penser à... Quand on boxe, on peut penser à des choses énervantes. Et donc, du coup, je pense que des fois, ça fait du bien de se défouler, en fait, sur un adversaire. On voit qu'il y a un gros déficit de boxe anglaise, notamment sur la garde. Comment on va chercher justement son adversaire quand on n'a pas d'anglaise, voilà. Allez, gauche-droite. Bloc. Gauche-droite, bloc. Allez. Droite. Là. Là. Là. Viens le chercher. Allez. Oui. Droite. La posture d'un boxeur en compétition, qu'est-ce qu'on va chercher? Beaucoup de mental, avant tout, et de la technique. Parce que être boxeur... C'est un tout, c'est pas simplement mettre des gants et voilà. C'est s'entraîner et affronter les adversaires. Là, je l'ai vraiment vu en réel. Et je souffrais à la place de eux, en fait. Pour être un très bon compétiteur, je l'ai toujours dit, il faut et de la technique et un mental. Ah, c'est bon.